vie. Qu'ai-je donc à apprendre? Qu'ai-je donc à comprendre? Un subtil paradis sous mes yeux peut-être. Étant donné mes certitudes, étant donné ma servitude, et ce qu'on me donne à voir, et ce qu'on me dit de croire, rien ne sera plus comme avant. Les cris, les rires des enfants. Des enfants. Et que dit la conscience? Cette flamme divine que je devine en ton fort intérieur, empli de remords. Étant donné mes habitudes, étant donné ma lassitude, et tout ce que je ne peux plus voir, et tout ce que je ne peux plus croire, rien ne sera plus comme avant. Les cris, les rires des enfants. Des enfants.